Christian. Je ne pense pas que les deux problèmes soient totalement distincts dans la mesure où, bon, officiellement, ces financements, et notamment l'ANR y insiste, mais c'est vrai aussi, je crois, des contrats européens, officiellement, il s'agit de financer des postdocs, avec tout le flou artistique sur cette notion. Mais dans les faits, il n'y a pas que des gens qui ont des thèses qui travaillent sur les contrats. Il peut aussi y avoir des gens qui sont en cours de thèse, et notamment des gens qui n'ont pas d'allocation de recherche. Et parce qu'une partie des tâches à effectuer dans le cadre de ces projets de recherche sont des tâches qui sont, pour le responsable du projet, des tâches techniques, de relevé, de saisie de données, d'entretien, d'observation, etc. Et alors là, c'est bon, plutôt celui qui emploie qui parle, mais ce sont des tâches qui, si elles sont conçues de façon intelligente et en concertation avec l'intéressé, sont aussi des formes d'apprentissage sur des temps de travail court, hein, sur des temps de travail court, des formes d'apprentissage du métier. Si en plus, qui paraît absolument normal, au bout du compte, il y a des co-signatures d'articles, je pense que c'est une façon de détourner, pourrait-on dire, des financements de ce genre vers le financement des thèses qui n'est pas totalement absurde. Parce que s'il y a une doctrine fondamentale de la politique à laquelle on s'oppose, c'est qu'il y a trop de docteurs. Ils partent de là, il y a trop de fonctionnaires. C'est pour ça qu'on remplace les postes par les postes de titulaires par des postdocs. Mais il y a trop de docteurs aussi. Et je pense qu'il n'est pas indécent de permettre, notamment en sciences sociales, enfin aux études là-dessus, je crois qu'il y a une politique très ouverte de l'institution, il n'est pas du tout indécent en sciences sociales d'inscrire des docteurs qui n'ont pas d'allocation. Parfois, ils font de très belles thèses aussi, c'est dur. Mais je pense que si on fixait une règle très rigide sur inscription au doctorat implique une allocation, ça ferme nos disciplines à des centaines de gens de talent. C'était une question centrale dans les débats des états généraux de la recherche entre les biologistes et les sciences dures, sur une position très ferme, et les sciences sociales répétant toujours nous sommes des sciences misérables, donc acceptons nos doctorants pauvres.